ça, c'est pour mes turbulents skin. Les gars qui savent pas se tenir, on est chaud bouillant face au cash qu'on fait courir. Attachez vos ceintures, c'est zone de turbulence. Accroche-toi en voiture, à 200 en reculant. C'est pour mes turbulents skin. Les gars qui savent pas se tenir, on est chaud bouillant face au cash qu'on fait courir. Attachez vos ceintures, c'est zone de turbulence. Accroche-toi en voiture, à 200 en reculant. Révolutionnaire à la Che Guevara, Kaira en Dolce Gabbana, Fren Ferrara, turbulent, explosif comme Hiroshima. Pro MC Madin China, Joe Black paranoïaque en cage, la PS la rage, Attila S en mode transac, insomniaque comme les niaques, on se croise que dans les snacks, on parle peu comme les pack-pack. Hitler aurait trouvé l'amour dans un sachet de crack, le bloc en cloque, 9 crimes plus tard le hall, accouche un sale glock, man, elle est Murdoch mon époque, je mâche pas mes mots, clash et wallah bilai, j'aurai le dernier mot, nique le parquet, mot, nique qui basse, nique une sale poucave, mais oh, m'animal, homicide verbal, voilà kidnappé par la centrale, la mental en parpale, le métal en parle par avec l'homme, enfermé à tort comme Nelson. C'est pour mes turbulents skin, les gars qui savent pas se tenir. On est chaud bouillant face au cash qu'on fait courir. Attachez vos ceintures, c'est zone de turbulence. Accroche-toi en voiture, à 200 en reculant. C'est pour mes turbulents skin, les gars qui savent pas se tenir. On est chaud bouillant face au cash qu'on fait courir. Attachez vos ceintures, c'est zone de turbulence. Accroche-toi en voiture, à 200 en reculant. Entre le rap et la rue, la pique grave et la rue. Les peines faites sans pécule, les bananes qu'on a mis dans le cul, les bécanes qu'on a soulevées et aussitôt reposées, les mecs qu'on a soulevés pour ensuite les effacer, les bouteilles de vodka à 10 devant le bloc 12, 4 gros boules, 4 grosses poupes et ces soirées partout. On m'évite car je suis trop rude, mes bonnes codes parce que je suis trop cru. Bibi car les temps sont durs, surtout pas la drogue dure mais douce. On a grandi bercé par le couscous, saka saka, tiens poutienne, c'est qu'à scène inégale, Val de Marseille, c'est la Blaskin, Artiri Moubaraka, on est dangereux comme Toto Rina. C'est pour mes turbulents, les gars qui savent pas se tenir. On est chaud bouillant face au cash qu'on fait courir. Attachez vos ceintures, c'est zone de turbulence. Accroche-toi en voiture, à 200 en reculant. C'est pour mes turbulents, les gars qui savent pas se tenir. On est chaud bouillant face au cash qu'on fait courir. Attachez vos ceintures, c'est zone de turbulence. Accroche-toi en voiture, à 200 en reculant. Okay. Écoute mon style de claque, de fou en cloque. Débarque d'une sale époque. Trop black, mon stylo craque. Face à cette feuille trop blanche. Il n'arrête pas de me drague, elle. Me laisse le ride en bas content du crack, elle. Veux que je la frasse, que je lui fasse à moi, cette grosse garce. Elle mérite juste que je lui balance. L'a crié en pleine face. Un gros coup de grâce pour tous ces traîtres qui font la base dans le rap français. Pour nous raconter que de la merde. Merde. Moi j'ai les nerfs et j'ai des faits exposés. J'en ai marre et qu'on s'en merde. Du coup, le premier, je pile chez la voix être carré. Dans ce foutu rap, y'a plus de taré. Y'a que des soulettes qui se foutent le nez. Pas dans l'entacte, je suis peiné. Ils veulent nous scanner en simultané. Ça, c'est pour mes turbulents. Les gars qui savent pas se tenir. On est chaud bouillant face au cash qu'on fait courir. Attachez vos ceintures, c'est zone de turbulence. Accroche-toi en voiture, à 200 en reculant. C'est pour mes turbulents, les gars qui savent pas se tenir. On est chaud bouillant face au cash qu'on fait courir. Attachez vos ceintures, c'est zone de turbulence. Accroche-toi en voiture, à 200 en reculant.